ching chang chong. T'as pas idée, elle parle en thaïlandais. T'as pas idée, tu t'es mis dans la merde. T'as pas idée, elle t'a mis les menottes. Ouah ouah, tu réponds plus au poteau. Ouah ouah, elle fait la folle, elle fait la maca. Ouah ouah, en boîte toute la night. T'attends son appel, elle t'a mis les menottes. Ouah ouah, tu réponds plus au poteau. C'est toi qui es faible, petit tailleur le boutin, c'est vrai qu'elle est trop fraîche. Tu veux l'impressionner en boîte, tu vides le garage. Tu comptes l'amener à l'hôtel, mais elle s'arrache avec un autre. Ouah ouah, elle s'est mise à ta table pour gratter deux trois revêts. Elle te fait mal mal quand elle whine whine whine. Elle va tuer ton sang et te dire bye bye. Elle t'a mis les menottes. Ouah ouah, tu réponds plus au potin. Ouah ouah, elle fait la folle, elle fait la moque. Ouah ouah, en boîte toute la night, t'attends son appel. Elle t'a mis les menottes. Mais les Christian Dior, aux cousines t'as coulé, tu vois pas, tu t'endors. Elle veut son sac Céline, elle te nénait la maline. Avec elle fait des lignes, c'est Narine, c'est Medellin. Tu t'es pris pour Mesrine, tu t'es pris pour Pablo. Elle veut pas de la bague, elle veut l'Audi Catrano. Elle t'a mis les menottes, ouah ouah. Tu réponds plus au potin, ouah.